Bonjour à tous et à toutes. Je suis vraiment heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Je remercie sincèrement le pasteur Patrick et Brigitte, évidemment, puisqu'ils ne font qu'un, pour l'accueil, pour l'invitation. Merci beaucoup, je me sens à la maison. Hier, le pasteur m'a appelé, il m'a dit, ouais, voilà, c'est parce que j'y suis. Il m'a dit, mets-toi à l'aise, sens-toi à l'aise. Eh bien, sachez que je me sens à la maison, je suis à la maison. Et je bénis Dieu pour cette opportunité qu'il me donne d'être parmi vous. Évidemment, je ne peux pas commencer sans vous envoyer les salutations chaleureuses de toute l'église de Bruxelles. Évidemment, du pasteur Monga, de maman. Le matin, il m'a encore rappelé, il a dit, n'oublie pas d'envoyer les salutations. Donc si ce matin vous êtes arrivé et que personne ne vous a fait un petit bisou, sachez que de Bruxelles, vous avez beaucoup de bisous qui sont arrivés. Donc voilà. Et sans plus tarder, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Ésaïe au chapitre 40. Ésaïe chapitre 40, nous lirons les versets 27 à 31. Ésaïe 40, 27 à 31. Et ensuite, nous irons dans Matthieu 11. Pourquoi dis-tu, Jacob ? Et pourquoi affirmes-tu, Israël ? Ma situation échappe à l'Éternel. Mon droit passe inaperçu de mon Dieu. Ne le sais-tu pas ? Ne l'as-tu pas appris ? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas, son intelligence est impénétrable. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes gens se mettent à trébucher. Mais, ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Amen. Et à ce texte, j'ajouterai un texte bien connu en Matthieu chapitre 11, versets 28 et 29. Matthieu chapitre 11, versets 28 et 29. C'est Jésus qui parle et il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. » Seigneur, ce matin nous sommes rassemblés pour toi. Je te prie de nous parler à travers ces quelques mots. Que ton esprit soit libre de faire ce qu'il veut et ce qu'il a prévu. Nous ne sommes que des instruments entre tes mains. Je te prie maintenant de libérer, Seigneur, les cœurs, afin que ta parole nous touche, afin que ta parole nous vivifie et que ta parole nous approche de toi, parce que ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par cette parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Force renouvelée. Tel est le titre de mon message aujourd'hui. Force renouvelée. Nous sommes tous différents ici. On n'a pas tous les mêmes capacités physiques. Si on commence à 100 mètres, il y en a qui vont arriver en 15 secondes, d'autres en 20 secondes, peut-être d'autres en 30 secondes. Si on dit, on va faire une balade dans Warem pendant une heure, certains après 30 minutes seront épuisés. Et d'autres après une heure diront, oh, est-ce qu'on n'a pas encore quelques kilomètres en plus à faire? Parce qu'on est différent. On est différent en fonction de notre physique, de notre âge, de nos capacités. Mais une chose que nous avons tous en commun, c'est que malgré toutes ces différences, il arrive un moment dans la vie où nous nous fatiguons. Il arrive un moment dans la vie où, même lorsqu'on se sent fort, Il y a toujours ce moment, que vous ayez 15 ans aujourd'hui, 30 ans, 50 ans ou 90 ans, vous pouvez tous dire qu'il y a un moment dans la vie où nous nous sentons faibles. Ça peut être physiquement, ça peut être émotionnellement, ça peut être spirituellement. Eh bien aujourd'hui, je ne viens pas vous annoncer que vous êtes des super-héros qui n'allez plus jamais faiblir, mais je viens vous annoncer que Jésus-Christ veut renouveler vos forces et qu'il va le faire. Le texte que nous avons lu se trouve dans Ésaïe, Ésaïe qui veut dire « Dieu sauve ». Ésaïe qui est un beau livre composé de 66 chapitres qui nous rappelle un peu les 66 livres de la Bible. Certains disent même que c'est une mini-Bible. Les 39 premiers chapitres nous parlent de jugement, d'exil, de déportation. Et alors qu'à partir du chapitre 40, on commence une saison de consolation, une saison de restauration. Le peuple d'Israël est exilé. Le peuple d'Israël a été pris par l'ennemi. Et lorsqu'on parle d'exil, on ne parle pas de petites vacances au soleil. Ils n'ont pas eu le temps de faire leurs bagages. On les a pris. On a lié leurs mains. À certains, on a mis des anneaux au nez auxquels on a attaché une corde. Et on les a pris, on les a déportés. Ils ont quitté leur pays. Ils n'ont plus leur nourriture. Ils n'ont plus leurs habitudes culturelles. Ils n'ont plus leur lieu de culte. Ils n'ont plus leur famille. Ils sont séparés, divisés. Ils sont mis en exil. Et là, dans cette situation douloureuse, le prophète reçoit un message de la part de l'Éternel. Et ce chapitre que nous venons de lire commence comme ceci, « Consolez, consolez mon peuple !» C'est un message de consolation avec lequel Ésaïe vient pour ce peuple qui est dans la désolation. Très important de comprendre que ce texte ne se trouve pas à un moment où tout le monde est dans la joie. Ce texte ne se trouve pas à un moment où tout va bien, mais c'est un moment de désolation, c'est un moment de souffrance, c'est un moment d'épreuve. Et dans ce moment, l'Éternel fait entendre sa voix. Parce que Dieu parle. Dieu parle. Vous savez, Dieu est un Dieu qui dirige la vie de chacun d'entre nous. Il parle, il ne se tait pas, il n'est pas muet. Lui qui a créé la bouche est capable de donner des directions. Et son serviteur commence par poser une question à ce peuple qui est dans la désolation. Il est dans la désolation et il se dit « Pour moi, c'est terminé ». Il est dans la désolation et il lui dit ceci, « Pourquoi dis-tu Jacob ? Pourquoi affirmes-tu Israël ?» Jacob et Israël représentant le peuple, « Ma situation échappe à l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant Dieu. » Ils sont exilés, ils sont dans la souffrance et ils se disent, « Puisqu'il y a exil, c'est que Dieu ne s'occupe pas de moi. Puisqu'il y a déportation, c'est que Dieu m'a abandonné. Puisqu'il y a souffrance, c'est que Dieu m'a oublié. » Vous savez, aujourd'hui, on a envie de vendre un évangile à l'eau de rose, où on vous dirait, mais venez à Jésus, vous n'aurez plus jamais de problème. Venez à Jésus et votre vie sera magnifique. Oui, c'est vrai. Venez à Jésus et vous n'aurez plus jamais de maladie et de souffrance. Désolé, ce n'est pas cet évangile que je viens vous annoncer. Je viens vous annoncer l'évangile de vérité. Et oui, ce n'est pas parce que nous passons par des situations difficiles que Dieu n'est plus Dieu. Ce n'est pas parce que nous passons par des situations compliquées que Dieu n'est pas sur son trône. Mais ce peuple a le droit de se poser cette question et de se dire « Mais pourquoi mon Dieu m'a abandonné ?» N'y a-t-il pas des moments dans notre vie où on est comme ça ? Évidemment, on ne l'a peut-être pas dit avec ces mots-là, parce qu'on est tellement spirituel, on n'a pas dit « Non, Dieu m'a abandonné !» Mais quelque part, on se dit « Oh, mais il est où ? Il va arriver quand ? Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il est occupé à répondre aux prières du pasteur Patrick et il m'oublie ? Il est occupé, qu'est-ce qu'il fait ? Il y a ces moments dans la vie où on a l'impression et on se pose légitimement cette question « Où est Dieu ?» Que fait Dieu ? Ma situation échappe à l'Éternel. Vous savez, Dieu ne change pas en fonction des situations. La nature de Dieu ne dépend pas de ce qui m'arrive ou de ce qui vous arrive. Dieu est Dieu, peu importe les situations. Dieu reste Dieu dans la maladie, Dieu reste Dieu dans la joie, Dieu reste Dieu dans l'échec, Dieu reste Dieu dans l'épreuve, Dieu reste Dieu quand tout va bien, Dieu reste Dieu quand tout va mal. Il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas. Mais il est légitime de se poser cette question et de se dire qu'à ces situations, on a vraiment l'impression que Dieu n'est plus là, que Dieu nous a abandonnés, que notre droit y précise. Mon droit passe inaperçu devant Dieu. Donc quand je passe devant Dieu, mon droit, ce que je mérite, Dieu ne le voit pas. Pourquoi dis-tu cela? Pourquoi dis-tu cela? Oui, tu peux le dire, mais ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Est-ce qu'on ne t'a pas dit que le Dieu est le Dieu d'éternité qui a créé les extrémités de la terre? Lorsque nous sommes rassemblés ici ce dimanche matin, nous ne sommes pas rassemblés pour une personne en particulier d'ici, pour une dénomination, pour un groupe d'église. Nous sommes rassemblés pour le seul vrai Dieu, l'unique Dieu, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu qui ne change pas. Dieu est le créateur du ciel et de la terre, et ce créateur vit en toi. Dieu est le créateur du ciel et de la terre, et ce créateur a ton destin entre ses mains. Dieu, créateur du ciel et de la terre, est ici parmi nous. C'est le Dieu d'éternité, l'éternel, il a créé les extrémités de la terre. L'homme, lorsqu'il regarde la terre, il se dit « Oh, la terre, elle est grande ». Dieu, lui, il a créé les extrémités de la terre. Il a mis une limite à la terre. C'est-à-dire que la terre, pour Dieu, c'est rien, c'est petit, c'est tout petit dans ses mains. Lui qui est au-delà du temps, au-delà de l'espace, lui qui est grandiose, lui qui est exceptionnel, à qui vais-je pouvoir le comparer? À qui comparer Dieu? Allez-vous comparer Dieu à un philosophe? Allez-vous comparer Dieu à une pensée quelconque? Allez-vous comparer Dieu à un super médecin que vous avez rencontré ou à votre super beau mari? Allez-vous comparer Dieu à votre meilleur professeur? À qui pouvez-vous comparer Jésus-Christ, notre Dieu? À personne. Personne ne peut se comparer à Dieu. Personne ne peut égaler notre Dieu parce qu'il est unique. C'est pourquoi je l'annonce avec beaucoup de joie. Nous prêchons un Dieu unique. Il a créé les extrémités de la terre. Intéressant, il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas, il ne se lasse pas. Au début, je vous disais, nous pouvons nous fatiguer. Nous pouvons nous lasser. Nous pouvons être désespérés. Nous pouvons perdre courage. Mais lui, le Dieu que nous prions, le Dieu auquel nous croyons, le Dieu que nous prêchons, est un Dieu qui ne se fatigue pas, est un Dieu qui ne se lasse pas. Il ne se fatigue pas. Nous nous fatiguons parfois même de lui raconter nos problèmes. Oh, ça fait 3 ans que je lui dis la même chose. Il ne se fatigue pas. Nous avons peur parfois de revenir vers lui lorsque nous avons péché. J'ai confessé mon péché, mais c'est toujours le même péché qui revient dans ma vie. Il ne se fatigue pas. Nous avons peur parfois de dire, ah, si je dis encore à l'église que je passe par telle situation, ils vont me dire, mais tous les malheurs du monde sont tombés sur toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'as-tu fait? Lui ne se fatigue pas, il ne se lasse pas d'entendre nos prières, il ne se lasse pas de nous voir, il ne se lasse pas de s'approcher de nous, il ne se lasse pas de guérir, il ne se fatigue pas de faire des miracles. Il n'y a pas un moment où il dit non, j'ai guéri trop de personnes qui avaient le cancer, maintenant j'arrête. Non, il ne se fatigue pas, il ne se fatigue pas de sauver les âmes, il ne se fatigue pas de libérer les captifs, il ne se fatigue pas, c'est notre Dieu, c'est Jésus-Christ. On ne peut sonder son intelligence. La semaine passée, lorsque je donnais une formation pour les baptêmes, il y a un jeune garçon qui m'a dit ceci. Moi, je suis plutôt rationnel. C'est pour ça que j'ai pris du temps à m'approcher de Dieu. Je lui ai dit, c'est bien. Les personnes les plus rationnelles sont les personnes qui doivent s'approcher de Dieu. Parce que la science elle-même se trouve en Dieu. Si tu es le plus grand des scientifiques, que tu aimes la science, eh bien c'est justement vers Dieu que tu dois courir. Parce que c'est lui le scientifique par excellence. Nous ne faisons que découvrir ce qu'il a placé dans la nature. Nous sommes limités. Mais lui est la science par excellence. On ne peut pas sonder son intelligence. On ne peut pas comprendre tout ce qu'il a fait. Même le corps humain. On prend des années à l'étudier. Il y a des spécialistes pour le nez, il y a des spécialistes pour la main, il y a des spécialistes pour le pied, il y a des spécialistes pour le cœur. Mais on ne se lasse de découvrir des choses. On ne se lasse d'évoluer. Pourquoi ? Parce qu'on est limité dans nos connaissances, on est limité dans nos capacités. Mais le Dieu auquel nous croyons est un Dieu dont l'intelligence est impénétrable. On ne peut pas comprendre. Comment se fait-il que nous tous ici rassemblés, nous avons tous un ADN spécifique, particulier. C'est l'intelligence de Dieu. Comment se fait-il que nous tous ici, nous sommes sortis d'une femme? Comment a-t-il fait cela? C'est l'intelligence de Dieu. C'est la capacité de Dieu dans sa nature même qui nous dépasse. Vous savez, parfois, il y a des gens, on doit toujours les motiver, on doit leur dire « Oui, venez à l'église, oui, priez Dieu. » On a l'impression que « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ne veulent pas le faire ?» Souvent, c'est parce qu'on ne sait même pas qui est notre Dieu. On ne sait même pas le Dieu auquel nous croyons. On ne le connaît même pas. Il y a des gens, vous les croisez dans la rue et vous voulez leur parler de Jésus et ils vous disent « Ah non, moi, Dieu, tout ce que Dieu fait, à cause de tout ce qu'il fait, je ne peux pas croire en lui. » Et quand vous écoutez ce qu'ils vous disent de Dieu, vous vous dites « Mais ce Dieu-là, moi non plus, je ne crois pas à ce Dieu-là. Ce Dieu auquel tu fais allusion, mais j'y crois pas. Oh, un Dieu qui crée des problèmes, qui crée des tsunamis, qui crée de la famine. Mais moi, je ne connais pas ce Dieu-là. Oh, un Dieu qui ne s'occupe pas des enfants. Oh, un Dieu qui abandonne telle et telle personne. » Non, Dieu, c'est important, vous savez, de savoir et de connaître qui est Dieu. Le problème que nous avons souvent, c'est que nous connaissons beaucoup de choses en théorie sur Dieu. Peut-être même que vous êtes assis dans cette salle et que vous pouvez réciter le texte que nous venons de lire par cœur, parce que vous le connaissez. C'est une chose que de connaître des théories sur Dieu. C'est une chose que de connaître des versets bibliques. C'est une chose que de connaître des paroles de chansons. Mais ici, je ne vous parle pas d'une connaissance intellectuelle qui est bonne, qui n'est pas mauvaise, de Dieu. Je vous parle de cette vraie connaissance, cette connaissance profonde qui, même lorsque tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal parce que tu sais qu'il est avec toi. Cette connaissance qui fait que quand tu pèches, tu ne dis pas « Ah non, je ne peux plus aller à l'église. Ah non, je ne peux plus me tourner vers Dieu » parce que tu sais qu'il est écrit « Si tu confesses tes péchés, eh bien je te pardonnerai. » Quand tu es dans ta famille et que tu vois qu'il y a des membres de ta famille qui ne sont pas sauvés, tu connais l'Éternel, alors tu dis « Je sais qu'un jour le Seigneur les sauvera parce qu'il a dit « Tu seras sauvé, toi et ta famille. » Ce n'est pas une connaissance théorique, c'est une connaissance réelle de l'Éternel. C'est une connaissance que tu vis dans ta vie de tous les jours. C'est une connaissance pleine de l'Éternel. Parfois, on va dire « Dieu ne me parle pas. Dieu ne s'occupe pas de moi. » Mais c'est parce qu'on ne reconnaît pas sa voix, puisqu'on ne le connaît pas. Pour reconnaître Dieu, il faut d'abord le connaître. Si vous êtes dans une foule, imaginons que vous êtes dans une foule de personnes, il y a plein de gens autour de vous, et à un moment donné, vous entendez la voix de votre épouse ou de votre mari avec qui vous avez vécu plusieurs années. Peut-être vous ne le voyez pas, vous ne la voyez pas, mais juste en entendant sa voix ou la voix de votre fils, de votre fille, vous dites « Oh, il est là !» Et puis vous cherchez à le regarder, vous dites « Mais il est où ?» Mais si vous êtes dans une foule et que vous n'avez jamais entendu ma voix et que je commence à parler, même si je crie fort, vous n'allez peut-être pas chercher à savoir qui est cette personne. Vous ne reconnaissez pas ma voix parce que vous ne m'avez pas connue. Eh bien, avec le Seigneur, c'est la même chose. Si vous voulez reconnaître la voix de l'Éternel, vous devez d'abord le connaître. Avant de vouloir dire « Ah, Dieu m'a parlé, Dieu ne m'a pas parlé, oh Dieu !» Est-ce que tu connais l'Éternel? Et comment est-ce qu'on connaît l'Éternel? Comment? En allant demander au pasteur qui il est? Comment est-ce qu'on connaît l'Éternel? Comment est-ce qu'on connaît Dieu? C'est la méditation de la parole de Dieu. Aussi simple que la petite chanson de l'école du dimanche, « Lis ta Bible, prie chaque jour. » Le véritable problème que nous avons aujourd'hui dans notre société, c'est que nous avons des chrétiens qui ne lisent plus la Bible. Nous avons des chrétiens qui écoutent un sermon le dimanche matin et après l'avoir écouté, ils referment leur Bible et l'ouvrent le dimanche d'après. Vous voulez connaître l'Éternel ? Lisez la Bible. Vous voulez réussir dans vos entreprises ? Lisez la Bible. Vous voulez grandir spirituellement ? Lisez la Bible. Pas juste la lire pour la lire, c'est lire et méditer la parole de Dieu. Mais il faut ouvrir la Bible, il faut lire la Bible. Vous ne pouvez pas dire « Ah, je suis chrétien » et vous ne lisez jamais la Bible. Il y a un problème. Alors je ne viens pas vous juger parce que ce message est aussi pour moi. Mais on ne peut pas se dire chrétien et ne pas lire la Bible. Vous voulez reconnaître la voix de Dieu ? Connaissez d'abord sa voix et vous la reconnaîtrez. Vous voulez des visions, des paroles prophétiques ? D'abord connaissez sa parole. Parce qu'une parole prophétique qui est à l'encontre de la Bible n'est pas acceptable. Il faut d'abord connaître la parole de Dieu. Il faut d'abord plonger les regards dans la parole de Dieu. Et celui qui plonge les regards dans la loi de l'Éternel sera heureux dans son activité. Nous dit la parole de Dieu. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas. Son intelligence est impénétrable. Alors là, on arrive un peu à un tournant dans le texte. D'un côté, on voit un Dieu qui ne se fatigue pas, un Dieu exceptionnel dont l'intelligence est impénétrable. Et puis de l'autre côté, on arrive dans une deuxième section où il parle maintenant de vous et moi. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Oui, il arrive dans la vie chrétienne, même si on chante des chants de victoire, même si on chante des chants de courage, même si on déclare des paroles de foi, il arrive dans la vie chrétienne, et même si on n'est pas chrétien de toute façon, que nous passions par des moments où on se dit, là maintenant, moi je suis au bout du rouleau. Maintenant, trop, c'est trop. Eh bien, je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, notre Dieu est le Dieu qui est encore capable de redonner de la force à celui qui est fatigué. Peut-être ce n'est pas une fatigue physique, peut-être elle est physique. La fatigue physique, peut-être elle est spirituelle, fatiguée. Fatiguée des circonstances de la vie. Vous savez, le fatigué, ce n'est pas nécessairement celui qui dit qu'il est fatigué. Il y a des gens, ils sont souriants, ils vous paraissent en forme, et pourtant au fond d'eux, ils sont fatigués. Fatigué d'ouvrir la parole de Dieu, fatigué de prier, fatigué de venir à la réunion de prière, fatigué de venir aux études bibliques, fatigué de donner ses dîmes et ses offrandes, fatigué de pardonner cette même personne, fatigué de toujours encourager tel et tel autre, fatigué de toujours devoir persévérer, fatigué de toujours devoir aller de l'avant alors qu'il y a telle et telle souffrance. Eh bien Jésus-Christ, notre Dieu, est celui qui donne de la force à celui qui est fatigué. Je ne pourrai jamais vous donner de la force. Même celui qui est en forme ne pourra pas vous communiquer sa force. Mais Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui a placé les extrémités à la terre, lui est capable de renouveler vos forces, de vous donner des forces nouvelles. Vous qui êtes à bout de ressources, il est celui qui multiplie les ressources. À partir de rien, il crée. À partir de rien, il crée. Il est capable de renouveler vos ressources. Vous qui êtes à bout. Vous qui dites, maintenant c'est fini, maintenant j'ai assez souffert, maintenant il n'y a plus d'espoir, maintenant il n'y a plus de courage. Jésus-Christ veut renouveler vos forces et vous redonner l'espérance pour aller de l'avant. Il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Et puis il y a une belle comparaison qui est faite, que j'aime énormément. Les adolescents, on parle des adolescents. Les adolescents, qui est ado ici dans cette salle ? Est-ce qu'il y a un ado ? Alors, ah oui, non, un ancien ado, et alors, et un d'aujourd'hui. Tu as quel âge, mon cher ami ? 16 ans. 16 ans, voilà. Eh bien, vous voyez ce jeune homme de 16 ans, c'est un ado. Alors, en principe, ses parents peut-être me corrigeront à la fin, en principe, les ados Ce sont des jeunes motivés. Ils peuvent commencer à jouer aux jeux vidéo à 20h. À 22h, vous les trouvez encore devant leur jeu vidéo. Et à minuit, vous les trouvez encore devant le jeu vidéo. Et puis le lendemain, à 8h, ils sont à l'école. Et ils ont les yeux ouverts, normalement. Parce que les ados, en règle générale, sont un peu démotivés. Vous voyez ? Quand les ados arrivent quelque part, prenez un train là où il y a des ados, vous entendrez du bruit. Parce que c'est comme ça, les ados, ils sont motivés, les ados, ils bougent. Les ados, ils ne peuvent pas écouter quelqu'un qui parle pendant 40 minutes comme ça, de la Bible et tout ça, oh, c'est fatigant. Les ados, ils veulent bouger. Et bien même les ados, qui sont normalement plus forts que nous tous ici, les ados qui sont censés tenir plus longtemps, ce texte nous dit que les ados se fatiguent et s'épuisent. En fait, on pourrait même, si on regarde le mot, traduire par les champions. Vous voyez ceux qui sont toujours forts, les Usain Bolt là. Vous voyez ceux qui marquent toujours des goals, les Eden Hazard, vous voyez. Eh bien, eux tous là, ils se fatiguent. Les jeunes gens, et là on parle des jeunes hommes, des jeunes garçons, peuvent se mettre aussi à trébucher. Pourquoi parle-t-on des jeunes gens ? Parce que comme je le disais pour les ados, les jeunes gens, ce sont ceux qui ont la force de l'âge. Ce sont ceux qui peuvent quitter la maison 5 minutes avant que le train passe et ils l'attrapent en 3 minutes. Et toi, si tu fais ça, tu rates 2 fois le train. Mais les jeunes gens, eux, ils peuvent le faire. Les jeunes gens peuvent faire une nuit blanche et puis aller encore s'amuser le lendemain matin. Mais toi, si tu fais une nuit blanche pendant 3 jours, tu dois te coucher dans ton lit parce que tu n'es plus jeune. Eh bien, les jeunes gens, même eux qui sont assez forts, ils peuvent trébucher. Pourquoi ? Je me suis posé la question, mais pourquoi ce texte ? Pourquoi il dit ça ? Eh bien, parce que parfois, on a l'impression qu'on n'a pas le droit de trébucher. Parfois, on a l'impression que si on est chrétien, on n'a pas le droit de faiblir. C'est comme si tu n'es plus assez spirituel. Aïe, il a faibli. Aïe, il ne prie plus comme avant. Aïe, il ne chante plus comme avant. On a l'impression qu'on n'a pas le droit. Eh bien oui, parce que même ceux qui sont dans la force de l'âge peuvent faiblir, peuvent souffrir. Mais il y a un mais. Il y a un mais. Tout le monde peut se fatiguer. Tout le monde peut s'épuiser. Les jeunes, même qui sont forts, peuvent faiblir. Les adolescents peuvent trébucher. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel, c'est une nouvelle catégorie d'êtres humains. Ils sont jeunes, vieux, malades, en bonne santé, pauvres, riches, blancs, noirs, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'ils espèrent en l'Éternel. Nouvelle catégorie, ceux qui espèrent en l'Éternel. Il n'est plus question de jeunes garçons, il n'est plus question d'adolescents, il n'est plus question de ceux qui sont dans la force de l'âge, il est question de ceux qui espèrent en l'Éternel. Parce que ceux qui espèrent en l'Éternel, oh alléluia, ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. C'est quoi espérer en l'Éternel ? Un jour, je marchais à Louvain-la-Neuve et il y avait des gens autour de moi. Et tout d'un coup, je ne sais pas ce qui se passe, il n'y a plus personne autour de moi, mais il y a un homme avec une sorte de cagoule où je ne vois que ses yeux. Il a les mains dans ses poches et il se met devant moi. Alors, je regarde autour de moi et je me dis, mais qu'est-ce qui vient de se passer en 3 secondes ? Donc, il n'y a plus personne autour de moi, on est en hiver. Il est peut-être 17h30, mais il fait déjà un peu noir. Et cet homme est là, il me regarde dans les yeux et il m'agresse verbalement. Il ne me touche pas. Il n'avait pas intérêt, en tout cas. Sinon, j'allais réagir. Non, je... Il m'agresse verbalement. Et je comprends que je suis coincée. Il me dit ce qu'il va faire. Il m'annonce, voilà ce que je vais faire et tout ça. Et je comprends que je suis dans une situation un peu compliquée. Parce qu'il a sa main, et je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dans sa main, et il semble avoir quelque chose, et je ne vois que ses yeux, et je suis vraiment dans une situation compliquée, parce qu'en plus, il gèle au sol. Et comment échapper à cet homme, je ne sais pas. Alors, à un moment donné, je vois un jeune homme. Je dirais qu'il avait facilement 37, 38 ans. Grand, 1m90 au minimum. Baraqué. Et en plus, il était noir. Bon. Alors je le regarde et je dis, à un moment donné, je me dis, c'est vraiment, ouf, tout mon fardeau presque tombe. Et je lui dis, monsieur, monsieur, venez. Je ne sais pas bouger, il y a cet homme qui me bloque le passage. Quand je vais à gauche, il se met. Quand je vais à droite, il se met de ce côté-là. J'ai besoin de votre aide. Et je lui dis tout ce qu'il m'a dit. Et l'homme, baraqué, ce jeune homme fort, plus grand que celui qui était devant moi, plus solide que celui qui était devant moi, me regarde et me dit, mais c'est un fou. Et il part en courant. Alors, à ce moment-là, j'ai compris qu'il n'y a plus que moi. Et là, je profite de son départ, comme l'autre tourne son regard, et je pars aussi. Je cours, je cours, je cours. Et j'arrive à la réunion de prière où je devais aller avec quelques copines. Et puis elles me consolent, elles me disent, oui, mais t'inquiète pas, c'est souvent ça. Bon. Qu'est-ce que cette histoire m'a appris comme leçon? Plus de peur que de mal, oui. Mais ça m'a appris une chose. J'ai mis mon espérance en cet homme-là. Parce que j'ai regardé à ce qu'il pouvait m'apporter. Je l'ai calculé. J'ai dit, ah ok, il est grand, il est fort. Il est noir, peut-être qu'il connaît quelqu'un de ma famille, il va m'aider. Loin de là, il m'a complètement abandonné. Mais vous savez, lorsqu'on dit espérer en l'Éternel, lorsque je vous dis espérer en l'Éternel, je ne suis pas en train de vous dire d'espérer en quelqu'un qui va vous abandonner. Je ne suis pas en train de vous dire d'espérer en quelqu'un qui va dire « Ouh, ça fait peur cette histoire ». Je ne suis pas en train de vous dire d'espérer en quelqu'un qui va décider de baisser les bras parce que l'ennemi qui est devant lui fait peur. Je vous dis d'espérer en celui qui a la solution à votre problème. Pourquoi espérer en l'Éternel? Parce qu'il a la solution à votre situation. Pourquoi espérer en l'Éternel? Parce qu'avant même que tu passes par cette situation, il savait que tu allais passer par cette situation. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Vous savez, parfois on se dit, oui, j'espère en l'Éternel. Bon alors, quand je dis j'espère, voilà, j'espère que cet après-midi il fera bon. Ça veut dire que c'est possible qu'il fasse bon, comme c'est possible qu'il ne fasse pas bon. J'espère que mon bus passera. C'est possible que mon bus passe, c'est possible qu'il ne passe pas. Mais dans la Bible, lorsqu'on parle d'espérance, il y a cette idée de fermeté, de continuer, cette idée de foi. J'espère en l'Éternel, ça veut dire je crois fermement en l'Éternel. Je crois fermement en l'Éternel. La situation par laquelle je passe me montre que tout est désespéré. Je regarde cette situation, tout est désespéré. Mais j'espère en l'Éternel et je dis, l'Éternel a dit, vous aurez des tribulations, mais je prends courage parce qu'il a vaincu le monde. Je suis rempli de soucis, rempli de soucis. Même quand je dis, oh mon âme bénit l'Éternel, je suis encore accablé. Oh mon âme chante pour l'Éternel, je suis encore accablé. Je regarde ma situation, rempli de souffrance, de tristesse, rempli de soucis. Mais j'espère en l'Éternel, alors je dis, oh, je me rappelle 1 Pierre 5,7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Oh, je regarde la situation de mes enfants. Quel désespoir! Moi, je ne les avais pas éduqués comme ça. Moi, je ne leur avais pas appris cette vie-là. Pourquoi est-ce qu'ils sont sur ce chemin? Je suis dans cette situation. Je suis triste de voir cette vie, la vie de mes enfants. Alors j'espère en l'Éternel. Je tourne mes regards dans la loi divine. Et je dis, mais comment est-ce que je vais espérer en l'Éternel? Oh oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. L'Éternel est près de ceux qui l'invoquent. Quand on tourne les regards vers l'Éternel, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Oui, oui, oui, oui, oui. Oh, l'Église, on veut des nouvelles âmes. On veut des nouvelles âmes. On veut que des âmes soient sauvées. La situation est compliquée. Mais nous voulons espérer en l'Éternel. Comment allons-nous espérer en l'Éternel? On tourne ses regards dans la loi de l'Éternel. Et on entend sa parole qui nous dit que partout où nous mettons la plante de nos pieds, il nous accorde le territoire et on est confiant et on sait que de nouvelles âmes vont venir dans l'église de Warem. On a la foi. C'est ça, espérer en l'Éternel. Parce que lorsqu'on dit espère en l'Éternel, il y a la question du temps qui vient aussi. Lorsque Dieu dit, voilà, je vais te bénir, je vais t'accorder une femme, par exemple. Alors, vous avez la foi, ou un mari, bien sûr. Alors, vous avez la foi. Mais le problème, c'est que peut-être vous avez reçu cette parole à 17 ans. Et à 20 ans, elle n'est toujours pas accomplie. À 20 ans, bon, ça va, ça s'accomplit. À 22 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans. Espère en l'Éternel. Le temps ne doit pas changer notre manière d'espérer en l'Éternel. Dans la société, le temps est un ennemi. On dit aux femmes, attention, faites vite, le temps est votre ennemi. Achetez tel produit pour enlever vos rides. Achetez tel truc, comme ça vous serez plus jeune. Il y a même des trucs anti-âge. Anti-âge. Donc on va diminuer votre âge. Genre les cellules et tout ça, les rotules et tout, tout va se remettre comme à la jeunesse. Alors, je ne suis pas contre ces choses-là. Si vous les utilisez, ne soyez pas offusqués, continuez à les utiliser, c'est bien. Mais le temps, dans la société, on le voit toujours comme un ennemi. Faites vite, terminez vite vos études, mariez-vous vite, achetez vite une maison, ayez vite ceci, ayez vite cela. Si à 40 ans, tu n'as pas ta maison, tu as échoué ta vie. Si tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela, ben tu es nul. Le temps est un ennemi dans la société, mais avec Dieu, le temps et les circonstances sont tellement dans ses mains que même là où tu te dis « je suis en retard », lui, il est capable de faire de cela même une accélération dans ta vie. Parfois, tu te dis « mais il y a eu un détour dans ma vie ». Tout le monde dans la vie passe de A vers B et moi, je suis passée de A vers moins A. Dieu a fait un détour dans ma vie. Savez-vous que Dieu n'a pas de plan B ? Il n'a pas de deuxième plan, il n'a pas deux destins pour ta vie, même si tu as l'impression qu'il y a eu un détour dans ta vie, eh bien sache qu'il n'a toujours qu'un seul plan et il est capable de prendre des détours et d'en faire des raccourcis pour toi. Il est capable de prendre ce que tu prends comme des échecs, comme du temps perdu, comme des années perdues. Oh, et même si c'était de ma faute, années perdues, c'est pas grave, il est capable d'en faire un raccourci pour t'amener dans ta destinée. Il n'y a pas deux destinées pour toi, il n'y en a qu'une. Il n'y a pas deux projets pour ta vie, il n'y en a qu'un. Il a un projet bien précis qu'il accomplit quoi qu'il en soit. Ils prennent, ceux qui se confient en l'Éternel, prennent leur envol comme les aigles. Alors je ne sais pas si vous avez déjà vu des aigles et si vous avez déjà un peu lu au sujet des aigles. Ce qui est intéressant avec l'aigle, c'est que l'aigle, il se sert même de la tempête pour voler. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une tempête, l'aigle, il monte et il met ses ailes dans une certaine amplitude, ce qui fait qu'il profite de la tempête pour aller encore plus haut. La tempête n'est qu'un tremplin. La tempête n'est qu'une étape pour l'aigle. Parce que parfois, lorsqu'on est dans une situation compliquée, on a l'impression que c'est la fin du monde. On regarde, on se dit « Oh, il y a un mur là-bas ». Mais on oublie qu'il y a une porte. Parce que lorsque le Seigneur nous dit, j'aime beaucoup le psalmiste, le psaume 23 qui dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Il n'a pas dit « Je m'assieds dans la vallée de l'ombre de la mort. » Il n'a pas dit « J'ai construit ma maison et mes enfants grandissent dans la vallée de l'ombre de la mort. » Il n'a pas dit « J'habite dans la vallée de l'ombre de la mort. » Il dit « Quand je marche, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Pourquoi ? Parce que les difficultés ne sont qu'un passage dans la vie. La difficulté n'est pas une finalité. La maladie n'est pas une finalité. La souffrance n'est pas une finalité. La pauvreté n'est pas une finalité. Ce n'est pas une finalité, c'est un passage dans la vie. L'aigle a une vue à 360 degrés. Il n'est pas coincé comme ça. Oh oui, il y a mon problème, il n'y a que moi et mon problème, il n'y a que moi et ma souffrance. L'aigle voit à 360 degrés. Il voit là où nous ne pouvons pas voir. Eh bien, à l'image de l'aigle, ceux qui espèrent en l'Éternel commencent à avoir une vision différente de la vie. Je vous dis, si vous êtes face à un lion, Imaginez un peu, il y a un beau lion ici devant moi. La réaction que j'aurai, peut-être vous n'allez plus me reconnaître. Mais si je monte à 15, 20, 30, 40, 50, 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, vous savez ce qui va se passer? Le lion, il aura toujours la même taille sur terre. Il aura toujours la même force sur terre. Mais mon regard sur le lion aura changé, parce que je ne le verrai presque pas. Parce que je dirais, c'est quoi ça? C'est un chat qui a trop de poils? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mon regard va changer. Parce que je vais prendre une autre perspective. Eh bien, avec Dieu, nous sommes appelés à faire cela aussi. Nous sommes appelés à prendre d'autres perspectives par rapport à nos épreuves. On ne doit pas juste regarder notre épreuve. Voilà. Ah, voilà ma vie. Oh, voilà ma vie. Donc, ta vie, c'est quoi? Oh, ben, ma vie, c'est l'échec. Ma vie, c'est la maladie, ma vie, c'est le manque d'argent, ma vie, c'est les problèmes, ma vie, c'est mon mari qui est insupportable, ma vie, c'est... Ma vie sert à rien. Non, je prends un autre regard, je vais à un autre endroit, je m'élève comme l'aigle. Comment est-ce qu'on s'élève? C'est pas en montant sur une échelle, on s'élève dans l'intimité avec Dieu. En passant du temps avec le Seigneur, il commence à nous montrer nos circonstances différemment. Et vous vous dites, oh, j'ai l'impression que je suis par terre, j'ai l'impression que je viens de tomber. Mais en fait, ce que vous savez pas, c'est que vous êtes juste au bas d'une autre montagne qui vous amène vers un plus haut sommet. Et vous ne le savez pas, mais si Dieu vous ouvre les yeux, vous comprenez que, oh, le Seigneur est bon. Il ne change pas. Ses bontés ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Oh oui, Dieu reste bon. Dieu reste bon parce que je me rends compte que donc cette situation n'est pas une finalité dans ma vie. Je ne suis pas là juste pour vendre du miracle ou quoi. Mais je crois qu'il est important quand même de rappeler que le miracle existe et que Dieu fait encore des grandes choses, que Dieu est encore capable. Alors dans sa souveraineté, il peut permettre parfois que certaines de nos prières ne soient pas exaucées comme on le veut. Certes, dans sa souveraineté, étant Dieu, il sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va dire les miracles n'existent plus. Ce n'est pas pour ça qu'on va dire Dieu ne console plus. Ce n'est pas pour ça qu'on va dire Dieu ne prend plus soin de ses enfants. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. Essayez de courir sans vous épuiser, essayez de marcher sans vous fatiguer. Ce n'est pas possible humainement parlant, mais spirituellement parlant, si nous mettons notre confiance en l'Éternel, nous pouvons avoir les forces renouvelées, courir sans nous épuiser, marcher sans nous fatiguer. C'est pourquoi Jésus s'écrit devant une foule dans le Nouveau Testament, en Matthieu 11, « Vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, venez à moi. Venez à moi parce que j'ai quelque chose de bien à vous donner. Ça s'appelle le repos. Je vais vous donner le repos pour vos âmes. Prenez mon joug. » Les pharisiens à l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient un joug sur les épaules des gens pour qu'ils comprennent l'importance de la loi de l'Éternel. Alors vous aviez un joug sur votre épaule et vous sentiez que... Oh, les préceptes de l'Éternel sont importants. Et lui, Jésus va dire, eh bien, arrêtez de prendre ce joug-là, entre guillemets, mais prenez mon joug sur vous. Recevez mes instructions, parce que mon joug est léger, mon fardeau est léger, je suis doux et humble de cœur. Et c'est l'appel que le Seigneur nous lance ce matin. Église de Warem, si quelqu'un aujourd'hui est là dans cette salle et dit, moi je suis à bout, je n'ai plus de force, sachez d'abord que l'Éternel est celui qui peut renouveler vos forces. Et il y a un appel qui retentit aujourd'hui. Est-ce que tu veux avoir tes forces renouvelées? Est-ce que tu veux reprendre du poil de la bête? Est-ce que tu veux te relever? Il n'y a qu'une solution, il n'y a qu'un trajet, c'est venir à Jésus-Christ. Il n'y a qu'une option, c'est venir à Jésus-Christ. Et lui-même pourra alors renouveler tes forces. Lui-même pourra renouveler tes forces. Lui-même pourra t'encourager. Lui-même pourra te fortifier. Jésus-Christ veut le faire. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes un instant dans la prière? Je reconnais que tu peux tout et que rien. gloire. Seigneur.